Monsieur, vous êtes asservi par votre travail? Vos obligations familiales phagocytent votre emploi du temps et votre esprit? Une solution existe. Offrez-vous un séjour en prison. La prison est un endroit calme et agréable, dépourvu de toute contrainte, où vous serez nourri, blanchi et logé. Chapardez une orange ou une voiture et faites un petit tour en prison. Grâce à la prison, fini les obligations de la vie quotidienne. Vous vivez au rythme que vous avez choisi et pouvez lire ou dormir toute la journée. Pour une vie de liberté, choisissez la prison. Ça va pas la tête?